Ça pleurait matin, parle trop fort, parle trop fort. Elle va t'aimer mieux si tu fais le mort. Reste politiquement correct, sois mou, fais le sec. Marche pas trop vite, bouge pas trop. Aime les hommes qui parlent le sirop. Je suis là pour toi. Ma tante rêve de croisière avec des bonhommes à moustache qui ont toujours l'air d'hier, vêtus de parures sans tache. Inodore, incolore, désarticulé, pas trop ferré. En politique, en gymnastique, en critique, en mathématiques. Fais pas peur à ma tante, fais pas peur à ma tante, fais pas peur à ma tante. Elle va t'aimer mieux si tu fais le mort.